Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices de l'Antichambre. Bienvenue sur le 105.9 de Radio et les Bords. Vous êtes en compagnie de l'oncle Ben et de DJ LBR. Salut LBR. Salut oncle Ben, bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue pour une nouvelle émission. Une émission donc assez cool, puisque nous allons avoir deux focus. Oui. Chacun. C'est ça. Donc le tien, vas-y, je te laisse. Donc le mien, c'est moi qui vais ouvrir le bal. Ce sera un petit focus sur un producteur new-yorkais, bon, qu'on a déjà entendu assez, on va dire, régulièrement dans l'émission. Mais là, je vais lui consacrer 6 ou 7 morceaux. Il s'agit du producteur Nicodemus. Donc vous verrez, c'est un petit peu dans un style à la quantique, parce qu'il voyage dans pas mal d'univers, notamment tout ce qui est musique latine, afro, et puis c'est aussi un bon producteur de morceaux rap, donc il y en aura quelques-uns dans ma sélection. Je dirais qu'on a déjà entendu dans l'émission une bonne partie des titres, mais là ce soir ce sera un petit condensé de ce producteur qu'on vous recommande. Et bah très bien. Quant à moi, je ferai un focus sur le nouvel album du groupe italien Calibro 35, Calibre 35, donc leur nouvel album Space, sorti début du mois de novembre sur l'excellent label milanais Record Kicks. Voilà, un groupe dont tu nous as aussi déjà parlé, dont tu as aussi déjà joué quelques morceaux. Les précédents disques. Et là, ils ont une actualité toute fraîche et on va en profiter. Très bien, je te laisse rejoindre les platines. Très bien. En attendant, j'annonce juste une petite chose, un concert qui arrive donc le 10 décembre au Brin de Zinc, organisé par l'association Tartine. Ce sera la venue de la Scred Connection avec Coma et Mokless. Donc ça sera le jeudi 10 décembre à partir de 21h et ça sera 12€ la place. Donc on aura l'occasion de vous en reparler, je pense, aussi la semaine prochaine. Donc est-ce que t'es prêt LBR? On va envoyer donc la sélection. Allez, vous êtes toujours sur le 105.9 de Radio et les Bords, vous écoutez l'Antichambre. Thank you. Best. Set it off on the right, like the night with a bass line. Tighter than a lover's hug twice. One, two, one, two, where the hand claps. Right there, where the drums at. Everybody dance like a fly puppet. Connected to the strings of guitar, man, I love it. Music lifts me, music gives me the special vibe when a smile is what I'm missing. High as the brightest star shining on the city, where the silver lines of clouds is the place where she's sitting. Music takes me, music makes me, music saved me. I love her, that's my lady. Give me the music, I'm open. Give me the music, I'm open. Give me the music, I'm open. Give me the music, I'm open. Give me the music, I'm open. Give me the music, I'm open. Give me the music, I'm open. I couldn't live with it without the feeling in my spirit I get when I spit a lyric, wouldn't kid with it. Music makes me, it lets me experiment and step into another place away from safety. That call and response, I must have it. Harmonies, warm melodies, is dynamic. Take me up, wake me up. I love it even better when they break beats up to make us jump and trust in that rush. The energy is sacred in between us. When I hear our song, how it takes me there. Everything right with our hands in the air. Music, how we live, that's what we show. And that's what we feel, so that's how we grow. In mathematical time, it decodes an unexplainable need in my soul. I'm open, sound waves form flowing, I'm coasting, up, up, up and away into the moment. The universe is just bodies in motion, and every molecule is bobbing and floating, vibrating the air, earth and ocean, giving me new ideas, giving me notions, getting me right, get right to my emotions. Take me up some, turn it up some, warm it up, dance floor, burn it up some, cut a rug some, show your love some, transcend, free it up, give it up some, get it up some, live it up, I've gotta pick it up some, lift it up some, switch it up some, never enough cause. drum. Let them bring in the beat, they bring in another one. Rubber pum pum, that's where the whole vibe come from. Boom, boom, clack, yeah, I like that. Give the drummer some. Let him bring in the beat and bring in another one. Rubber pom pom, that's where the whole vibe come from. Boom, boom, clack, yeah, I like that. When the drumstick snaps down on the snare, start shaking out flows like I just don't care. Relentless, limitless, as a rapper, I tackle a pattern that is travel with the African diaspora. Boom, crack, cause I freak it like that. Fall back, bounce to a percussion to attack. Rat-a-tat, repetitive rhythm, rivet the habitat. From the north of Brazil to North Cadillac, feel it, breathe it, pump it, move it. Heard you came to do something. Thank God for the drums in my music, because you gave me a gift, I'ma use it. All up until my days are done, see the beat is where I get the inspiration from. Get up out your seat and come in on the run. Feel the rhythm of the beat and get a drummer some. Give the drummer some, let him bring in the beat and bring in another one. Rubber pom pom, that's where the whole vibe come from. Boom, boom, clack, yeah, I like that. Give the drummer some, let him bring in the beat and bring in another one. Rubber pom pom, that's where the whole vibe come from. Boom, boom, clack, yeah, I like that. Let's try. Okay, here we go now. Alright. Get some, Nappy. Alright, the drummer can't have all of it, let me get some too. Ask me what gave hip-hop the boom back. Make dance tracks, force your 2 feet to tap. Contact when the stick quick hit the hi-hat. Like flapjacks or spat beats flipped on plate slap. Hot and edible, most unforgettable. Surefire, bettable, real live incredibles. True heroes, never Walt Disney animated. Save it for your mundane life that keeps you aggravated. Here's a backstage pass, I had it laminated. Come and give the drummer some and hit it like Timbales, baby. Smash an ass that you crash in his lap. Wake up to the swing, drunk, bring to the jazz. As we move a new day in the sun, rays shine like a symbol under stage lights, son. Get out your seat, baby, get on the one. Feel the rhythm of the beat and give the drummer some. Some. Let him bring in the beat and bring in another one. Rubber pom pom, that's where the whole vibe come from. Boom, boom, clack, yeah, I like that. Give the drummer some. Let him bring in the beat and bring in another one. Rubber pom pom, that's where the whole vibe come from. Boom, boom, clack, yeah, I like that. New York City, the greatest city in the world. Understand. To the story about a New York Minute. Natives are restless in a city that never slumber. Prices going up and the jobs don't cover. Summertime protests, the government is bugging, paying for 3 wars and they want to start another. For more resources, why do people get nothing? New York is on strike, everybody in the street straight huffing, puffing, down with the system. Cops on the circumference, trigger finger itching. No room in the prisons, everywhere's tension. Terrorists bomb the Republican convention. This record-breaking demonstration is huge. Power to the people, we will not be moved. The sun goes down, but none of us leave. Cops tell us to go home, but we must proceed. I saw the first tear gas can soar in the air just right before the lights went off. Hey, lights off, music on, of course. Party in the park, breakers on all fours. Riders tag walls. Who is it? Your name right there, clear as air, get busy. Dance floor, my crew and yours. Who wanna battle and test the top score? That's right, it's high in the empire. Kneel to the sky, drugs produce fire. Burn, baby, burn up the disco. Rage like a punk, oi, oh, let's go. Sound clash, loud like Ramones. With the air between his head and band by his headphones. Wait a minute, what happened to the sound? Blackout, no lights, time to get down. Slow clap till the power come around. In a New York minute with fast is the style. Ho- While the city sleeps, I'm reading WikiLeaks, creating picket signs, go ahead, picket street. I'll meet you anywhere, warrior like Ho Chi's, whole crowd chanting, no justice, no peace. Bandana on my face, no subway on the move, being brighter in my veins. Summer of the truth coming at you, swarming like a million bees. How does a Brazilian beat show you what resilience means? Chuck D, just delivered a brilliant speech, sounding like Khalil Gibran, dealing with villain police. All the students at my back, all the unions in the front, peace signs in the air, boom blocks at the bump. Batteries running on adrenaline, tense as the panic race, flaming con Edison, power to the people. Protest the pledge, don't push me, cause I'm close to the edge. Alright, big apple green, a little bit of sweet, lost everything. Now I sleep in the street, sing underground, while people wait for the deep train. Drop change, so I can get me some eat. Strange, one moment I'm clean, shade, occupation my own. I own a store, Houston and Green. Let me paint a picture of a scene. Was a rich, had some cheese, lights go dim, darkness amongst men. When I'm front porch, then kid of my dreams. VCRs, TVs, recording machines. Clothes out, sale for real, but everything's free. Has strangers and pee, my life savings fatigue. Insurance fund wasted, not paid the proceeds. Now I proceed to seize, and they say it's greed. Survival of the fittest, and I'm fitting the thieves. These old crooks are a reflection of me. Obama the president, Bush that my resident. Now I'm kinda hesitant to ever vote again. Can't spot a friend, cause everybody got rights. On my way downtown, got pulled over twice. Filled out a resume, you ever been convicted? Yes, I did, now I'm restricted. Can't ride forever, do you think there's a lever that can rush me off? Can't brush me off. New York City home team, I rep them in Munson card. In the draw, I kept live right behind the stadium. We hit home runs, live with my brother, nigga, love on buns. Wild Cowboy is a hell of a find. Stick with me and throw a hell of a line. Stick with me cause I'm genuine. Stick with me cause I'm genuine. sacrée ambiance dans les studios, vraiment, hein. Ah, du soleil avec ce temps plutôt pluvieux, oui, gris qu'on oui, a. Oui, oui, c'est exactement ce que j'ai cherché à faire. Et bah c'est vrai que voilà, hein, y a toujours des bonnes surprises, je pense, dans l'antichambre. En tout cas, voilà, tout ça nous venait de New York avec le producteur Nicodemus et son label que j'ai pas cité tout à l'heure, le label Wonder Wheel Recordings. C'est son propre label sur lequel il fait toutes ses sorties et puis on doit trouver aussi pas mal d'autres choses. Donc voilà, de l'afro, du son latino-américain, des grosses productions hip-hop avec des bons breaks bien funky. Je pense que ça t'aura plu, Ben. Oui, oui, l'avant-dernier, oui, je l'ai bien connu. Voilà. Donc on peut simplement lister les morceaux qu'on s'est écoutés. Le premier morceau dans une ambiance un petit peu dub, un peu planante, c'était le morceau Peace Pipe. Ensuite, on était sur un... C'est un des morceaux phares de Nicodemus qui est super connu, en featuring, enfin pas en featuring, en duo avec Quantic. Et en featuring avec Tempo et le Candela All-Star, c'était Mi Swing Est Tropical. Ensuite, c'était Nicodemus en featuring avec The Real Life Show, donc pour une connexion new-yorkaise avec le morceau Gimme The Music. Ensuite, c'était Nicodemus tout seul pour le morceau très latino Baila a tu manera. Ensuite, c'était Nicodemus avec The Real Life Show, encore une fois. C'est vraiment son groupe, on va dire, avec qui il a beaucoup collaboré ces derniers temps. C'était pour le titre Give the Drummer Some, remixé par DJ Regal. Et puis l'avant-dernier morceau, c'était encore en featuring avec The Real Life Show, c'était le morceau New York Minute, mais sur lequel il y avait encore d'autres rappeurs, puisqu'il y avait Rabbi Dark Side et Il Spoking, la connexion Zadjaza, notre comparse de Lyon, et puis Sadatix, des Brand Nubian, tout à fait. Et puis le dernier morceau, voilà, Back from Africa, tout est dit dans le titre, qui colle parfaitement à cette ambiance afro qu'on a entendu sur ce dernier morceau. Donc voilà, c'était un petit échantillon de ce que peut faire Nicodemus. C'est assez varié. Pardon ? C'est assez varié. Ouais, c'est assez varié. Je pense que j'ai pas exploré tous les styles. Il a des choses même beaucoup plus électro, limite house. En tout cas, un gros répertoire. Il a sorti pas mal de compilations qui s'appellent Turntable on the Hudson. Voilà, donc ça permet aussi de voir un petit peu le monde dans lequel il gravite, les artistes desquels il s'entoure. Donc voilà, allez faire un petit tour du côté des productions de Nicodemus et du label Wonder Wheel Recordings. Et ben, c'est très bien tout ça. Je crois que je vais te laisser gérer la deuxième partie d'émission, Ben. Oui, donc je vais juste vous réintroduire rapidement donc, le groupe sur lequel on va s'attarder. Donc le groupe italien, une formation donc, de 4 musiciens. Donc le groupe c'est Calibro 35, Calibre 35. Donc un groupe sur le label de Milan qui s'appelle Record Kicks. Ils sont aussi de Milan, donc il y a un bassiste, un batteur, un guitariste et un gars au clavier. Et là, cet album, donc ce nouvel album sorti ce mois-ci qui s'appelle Space, il y a une forte utilisation des claviers analogiques. C'est très spatial, comme le nom de l'album l'indique. Ça reste aussi très, comme on avait écouté donc le focus que j'avais fait sur une précédente émission, très cinématographique. Parce que quand on écoute certains de leurs morceaux, on voit des images de films. Quand tu dis spatial, c'est assez surprenant, parce que moi j'ai le souvenir des morceaux qu'on avait écoutés, c'était plutôt vachement organique, avec pas du clavier mais plus de l'orgue. Enfin, c'était. Il y a toujours ce côté orgue, mais vraiment, ouais, là c'est vraiment des synthés analogiques. Ça triture un petit peu entre les boutons. J'ai peut-être moins sélectionné des titres comme ça là sur ma sélection de ce soir, mais là j'ai trouvé des trucs un petit peu plus funky. Il y a même un morceau un petit peu afrobeat. D'accord. Ouais, donc ouais. On va s'écouter tout ça. Le premier, c'est le premier single, c'est Bandit on Mars. Donc celui-là, on voit du lourd. Ouais, toujours up-tempo, parce que les morceaux qu'on écoute, c'est toujours, c'est souvent assez rapide. Il y a beaucoup de break, la batterie, rapide, ouais, vous allez voir ça. Donc s'il y a des b-boys, des b-girls, des breakers derrière leur poste ce soir... Ils poussent les meubles du salon. Voilà. Et puis ils enchaînent quelques coupoles, et puis quelques... hein, quelques... Donc on va s'écouter tout ça donc sur les 105.9 de Radio et les Bords. Vous êtes toujours dans l'antichambre avec l'oncle Ben et DJ LBR.

ma sélection spéciale Calibro 35. Là, je crois que c'était fidèle à ce que tu nous avais annoncé. Ouais, ça dépote grave, hein. Je me rappelais plus trop, ça fait un petit moment que je l'ai pas écouté là, même si c'est sorti récemment. Je me rappelais pas que c'était aussi punchy, aussi bien saturé, hein. Les guitares, c'est toujours très jazz, rock, un petit peu afro, donc je disais sur l'avant-dernier morceau, funk, enfin il y a un peu beaucoup d'influence, mais ça envoie du lourd. Donc je vais débriefer un petit peu les titres qu'on s'est écoutés, donc tirés de cet album qui s'appelle Space. Le premier c'était Bandit on Mars, ensuite on avait le titre Space, après c'était Thrust Force, Violent Venus. Ensuite il y avait un espèce de petit clin d'œil, donc le morceau s'appelle Across 111th Sun, et je pense que c'est un petit clin d'œil à un album de Bobby Womack et de Gigi Johnson qui s'appelle Across 110th Street, donc qui est la BO d'un film Black Exploitation des années 70, donc je pense un petit clin d'œil du groupe. Après on avait Unguana Bay Lounge Complex, donc des titres un petit peu spéciaux. Et le dernier titre c'était CLBR 35, donc, et ça ce morceau est inédit puisque c'est la phase B du 45 tours qui est sorti en même temps que l'album. D'accord. Donc voilà. Eh ben, très bonne découverte, très bonne nouveauté. Je pense qu'on peut remercier au passage, je ne sais pas si depuis 1000 ans elle nous écoute, mais... C'est Juliana, je crois qu'elle s'appelle. D'accord. Du label Record Kicks. Ok, et puis moi je voulais remercier surtout aussi Calamity Jade, qui gère la structure Will Work for Funk, qui fait un gros travail de communication et de promotion, notamment du label Record Kicks, donc qui nous tient au courant des nouveautés milanaises, qui nous envoie régulièrement des infos, donc si toutes deux nous écoutent depuis Milan, on leur fait un petit clin d'œil. Et donc on va même le remercier, moi je vais remercier de nouveau Juliana, puisqu'en fait elle nous a envoyé une exclue, quelque chose qui sort le 4 décembre. Donc c'est un groupe qui nous vient du Portugal, il s'appelle Marta Ren and the Groul Velvet, donc c'est un petit 45, donc ça s'appelle I'm Not Your Regular Woman, vous allez voir ça sonne un peu ce qu'on appelle Northern Soul. Donc c'est assez rétro, ça va bien dans l'esprit du label. On a l'habitude d'écouter des morceaux de différents groupes comme les First Coast Kings, oui, qu'on aime beaucoup ici. Donc voilà tous ces groupes-là. Donc ça va clôturer l'émission, ce petit titre inédit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Toujours au rendez-vous. On sera au rendez-vous. Sur les 105.9 de Radio et les Bords. Un nouveau numéro de l'antichambre, et puis je vous rappelle donc au passage, donc le 10 décembre à 21h au Brin de Zinc, la venue de la Scred Connexion avec donc Coma et Mokless, organisée par l'association Tartine. 12€ la place. Voilà, donc à la semaine prochaine, salut! life, they believe they will never ever